L.A.M.S. Lams, a.k.a. Ablai, qui sert, a.k.a. Phaser, Long Beach, casseur d'ambiance. Chacun son camp, chacun pour soi, chacun pour sa peau. Dans l'immédiat, je râle immédiat. J'suis pas un mec sympa, besoin de médecin. Moi j'ai une haine irrémédiable. J'marche pas avec des mecs qu'ont les couilles siliconées. Dis pas, wesh la femme. Alors ça fait 10 secondes qu'on se connaît. Chacun pour sa boire, faut savoir sur qui compter. Car ici, l'amitié, on l'a mise à poil. J'suis seul dans mon errance, j'pense que mes amis savent. C'est à la confiance qu'on me fiance. Ma vengeance est un plat qui se mange chaud. Mes amis, j'peux plus les compter. J'suis devenu manchot. Franc dans mon récit, hardcore dans ma lessive. Cousin, dès que j'tourne le dos, mon oreille siffle. Dans mon camp, j'ai mis les sentiments sur la touche. Rien que des crasses, j'ai mis les salamis sous la douche. J'attends aucune aide de personne, mon à tout le monde. Qui sert, c'est le mec qui opère seul. Moi t'as de potes et moi en tant que cul. Là d'où je viens, c'est chacun pour soi, donc je représente mon cul. Chacun son camp, son territoire, ses alliés. Où tu ailles, quoi que tu fasses, le terrain est miné. Chacun pour sa gueule, c'est la devise des ma vie déroule. Pas besoin de héros pour viser haut. Chacun son camp, son territoire, ses alliés. Où tu ailles, quoi que tu fasses, le terrain est miné. Chacun pour sa gueule, c'est la devise des ma vie déroule. Pas besoin de héros. Chacun son camp, son cul, ses yokou et ses kai. Choisis les tiens et fais ça bien, sinon c'est die. Regarde et garde ta garde bien haute, reste sur tes gardes. Gare à toi dans n'importe quelle gare du 9-1. Afin d'éviter le guet-apens, avant d'agir, guette un peu qui t'épaule. Bâti ou pas comme une baguette, guette comment je suis déçu. Décidé à tuer les sangsues, même le chétan devient un sursu. Les traites nous traitent peut-être, mais être un homme s'assume. Est-ce que tu dis même si tu finis dans les pommes? Tu me dis mon frère, mais tu m'enculerais pour une liasse. Tu me dis mon frère, mais t'étais où quand j'étais en haas? Tu dis c'est la famille quand y'a du bénéf. Tous unis comme Benetton, ah ouais, chez ta sœur, tu la connais? Moi et mes compagnons, on est mieux seuls que mal accompagnés. Et à vrai dire, on les a tous mis dans le même panier. Chacun son camp, tant mieux si on s'entend. Tant pis si c'est pas le cas, quoi qu'il en soit, ça dure jamais 100 ans. Chacun son camp, son territoire, ses alliés. Où tu ailles, quoi que tu fasses, le terrain est miné. Chacun pour sa gueule, c'est la devise des hauts. Ma vie se déroule, pas besoin de héros pour viser haut. Chacun son camp, son territoire, ses alliés. Où tu ailles, quoi que tu fasses, le terrain est miné. Chacun pour sa gueule, c'est la devise des hauts. Ma vie se déroule, pas besoin de héros pour viser haut. L.A.M.S. qui sert. Chacun son camp, son territoire, ses alliés. Où tu ailles, quoi que tu fasses, le terrain est miné. Chacun pour sa gueule, c'est la devise des hauts. Ma vie se déroule, pas besoin de héros pour viser haut. Chacun son camp, chacun son territoire, ses alliés. Où tu ailles, quoi que tu fasses, le terrain est miné. Chacun pour sa gueule, c'est la devise des hauts. Ma vie se déroule, pas besoin de héros pour viser haut.